Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Romy Schneider, La passion de Long, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Renaud Meyer, réalisée par Sophie Haute-Picon. Le samedi 29 mai 1982, à l'âge de 44 ans, Romy Schneider s'éteint. Alain Delon écrit pour elle cette dernière lettre, une lettre d'adieu, une lettre d'amour. Parue dans Paris Match, elle témoigne d'une émotion vraie et d'une rare intensité. Nous sommes le 11 juin 1982. Je te regarde dormir, je suis auprès de toi, à ton chevet. Tu es vêtu d'une longue tunique noire et rouge brodée sur le corsage. Ce sont des fleurs, je crois, mais je ne les regarde pas. Je te dis adieu, le plus long des adieux. À cause de moi, c'est à Paris que ton cœur, l'autre nuit, s'est arrêté de battre. À cause de moi, parce que c'était il y a 20 ans et que j'avais été choisi pour être ton partenaire dans Christine. Tu arrivais de Vienne et j'attendais à Paris avec un bouquet de fleurs dans les bras que je ne savais comment tenir. Je t'attendais avec mes fleurs comme un imbécile mêlé à une horde de photographes. Et puis, rien, pas de coup de foudre, non. Et puis je suis allé à Vienne, où l'on tournait un film, et là, je suis tombé amoureux, fou de toi, et tu es tombée amoureuse de moi. Nous étions de la même race, nous parlions le même langage. Ils ne peuvent pas nous comprendre, les autres. Les comédiens, oui, les autres, non, c'est inexplicable. Et quand on est une femme comme toi, ils ne peuvent pas comprendre que mourir comme ça. Ils disent que tu es un mythe, bien sûr, mais il rentre chez lui, le mythe, le soir, alors... Il n'est que Romy, rien qu'une femme, avec une vie mal comprise, mal reçue, mal écrite dans les journaux, assaillie, traquée. Vrai que tu voulais vivre, vrai pourtant que tu es arrivé au bout du tunnel, samedi, à l'aube. Signé Alain Delon, donc. Revenons en 1958, c'est à cette date que débute la fiction et c'est aussi le début d'une folle passion amoureuse entre Romy Schneider et Alain Delon. Tous les deux ont marqué l'histoire du cinéma, film après film, séparation après réconciliation, rupture après folle retrouvaille. Les deux amants deviennent mythiques et dessinent à travers deux destins iconiques le portrait d'une époque et d'une génération. Pour nous aider à comprendre ces années amoureuses et tumultueuses du couple Delon-Romy, nous recevrons dans la seconde partie Isabelle Giordano, auteure d'un superbe livre intitulé « Romy Schneider, film par film » aux éditions Gallimard. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Romy Schneider, La passion de Long, de Renaud Meyer. Nous sommes en 1958, dans le salon de Magda Schneider. Ah, qu'est-ce que t'en penses? Bien, non? Enfin, mamie, regarde-le. Il est trop bien coiffé, trop beau, avec sa cravate et son costume à la mode. Il est parfait. Un Français parfait. C'est lui qu'il te faut. Alain Delon. Un illustre inconnu. De toute façon, Roger Moore est trop vieux. La production n'en veut pas. Cet Alain Delon est trop jeune. Il est tout à fait le personnage. Je sais de quoi je parle. Pourquoi toujours suivre tes choix, tes directives, tes volontés? Parce que je suis ta mère. Mais pas un chien de cartes. Tu es sans cesse derrière moi. Je ne peux rien décider seule. Je n'ai pas besoin d'un chaperon. Je connais le métier. Et puis, je me suis effacée pour te mettre dans la lumière. Ça me donne un peu le droit de donner mon avis, non? Tu t'es effacée, toi? Tu exiges un rôle dans chacun de mes films. Tu ne m'as jamais parlé comme ça. Je veux ma liberté. Très bien. Qui veux-tu comme partenaire? My God. Celui-là? Oh non, aucun intérêt. Mais, pourquoi pas? Lui? Oh non plus, trop sage. Non, vraiment. Qui alors? Et Horst? Horst Buchholz? Hors de question, tu le sais très bien. D'ailleurs, c'est fini entre vous, votre petite idylle est terminée, non? À qui la faute? Teddy m'a dit, c'est lui ou moi. Mais Horst est un excellent acteur et un ami adorable. Ton beau-père prend soin de toi. T'es ta carrière, t'es tes intérêts. Il t'aide dans tes choix. Et il a raison. Daddy n'avait aucune raison de refuser ce flirt. Le cinéma d'abord. C'était stupide d'accepter ce contrat. Tu étais merveilleuse dans Liebelei. Impossible de faire mieux. Alors pourquoi ce remake avec moi? Pour jouer ton rôle? Parce que tu n'as pas voulu faire un autre Sissi. Tout le monde était prêt. L'Autriche, l'Allemagne, l'Europe entière attendait un quatrième film. Sissi, Sissi, toujours Sissi. Il y a longtemps que je ne suis plus Sissi. Je ne l'ai jamais été d'ailleurs. Je ne veux plus en entendre parler. Tu es folle. Tu refuses l'argent. Tu tournes le dos à un public énorme qui t'aime. Tu tournes le dos à ta légende. À force d'interpréter ce rôle, il est devenu comme une camisole. Tout a commencé avec Liebelei. Ça a lancé ma carrière. Tu dois faire ce film. Pourquoi ce serait à toi de choisir mon partenaire? Parce que tu n'as que 19 ans. Et déjà 13 films. Je ne suis plus une débutante, plus une petite fille. Mon instinct ne m'a jamais trompée. Ça sera Alain Delon. Le 10 avril 1958, Romy Schneider arrive à l'aéroport d'Orly. C'est une vedette européenne qui débarque sur le sol français pour y tourner Christine. Alain Delon, son futur partenaire, débute quant à lui dans la carrière. Il vient l'accueillir avec la presse, accompagné d'un autre acteur du film, Jean-Claude Brialy. Mais dès cette première rencontre, la relation entre Romy et Delon s'annonce difficile. Elle ne peut souffrir ce jeune homme endimanché avec sa cravate et son bouquet de roses. Delon voit en elle une oie blanche issue de cette bourgeoisie allemande qu'il déteste. Les premiers jours du tournage, la tension est palpable. Pourtant, à mesure que les scènes du film se succèdent, entre eux, la magie va opérer. Oh, une petite goutte de pluie. On dit que les amoureux qui ont reçu une bonne averse quand ils font leur première promenade s'aimeront jusqu'à leur mort. Christine, je vais vous faire une promesse. Une grande promesse. Non. Ne promettez rien. Entre vous et moi, ça durera ce que ça durera. Je vous jure que je ne vous demanderai jamais rien. Oh, ça y est, il pleut. Vous voyez, on s'aimera peut-être toute la vie. Peut-être, mais il ne faut pas le dire. À demain, Franz. Et d'ici là, ne m'oubliez pas, mon lieutenant. Une véritable passion va naître entre Romy et Delon lors du tournage à Vienne. Romy voit soudain en son jeune partenaire l'occasion de s'affranchir du joug de sa mère, longtemps absente durant son enfance, et qui veut désormais maîtriser chacun des gestes de sa fille. Amoureuse et déterminée, Romy part pour Paris s'installer avec Delon dans l'appartement de leur agent, Georges Baume. Jalouse, Magda Schneider veut briser cette nouvelle idylle, dont la presse allemande commence à se faire l'écho. Alain Delon est invité à passer le Noël 1958 dans le chalet de Berchtesgaden, un chalet que Magda a fait construire près du nid d'aigle d'Hitler, dont elle fut une intime. Fréquentation sulfureuse qui a brisé sa carrière cinématographique après-guerre. Delon ne peut supporter ce milieu. Il comprend cependant qu'il doit mener une opération de séduction auprès de Magda s'il veut conserver Romy. Tu es heureuse à Paris? Oui, mamie. Tu pourrais revenir à Cologne, si tu voulais. Ou ici. On s'occuperait de toi. Je suis très bien en France avec Alain. Qu'est-ce que tu fais là-bas? J'ai des projets. Et puis je vis. Je sors à Saint-Germain-des-Prés, je vais au théâtre, j'apprends le français. Ce n'est pas ce que raconte la presse. On dit qu'Alain n'en veut qu'à ton argent, que c'est un kidnappeur des stars qui nous a volé notre Sissi. Et pourquoi pas voler l'Allemagne? Les journaux racontent n'importe quoi. Ce n'est qu'un voyou, ravisseur de princesses, qui utilise ta notoriété. C'est toi qui l'as choisi. Il a bien caché son jeu. Sous son costume cravate, il dissimulait un blouson en cuir et une décapotable. Les petits bourgeois m'ennuient avec leur monde bien ordonné. Alain, lui, il est toujours en retard. Il brûle les feux rouges, il est sauvage. Il me fait découvrir la vie. Parfois, la vie est amère. Quand il aura profité de toi, il te laissera tomber. Il sera trop tard pour revenir ici. Les Allemands et les Autrichiens ne voudront plus de toi. Ton départ est une trahison pour ton public. Je ne veux plus de Sissi. Ici, on ne me donne que ça. Avec Alain, je vais faire autre chose. Ah, ma poupelée. Magda, votre fille, quelle merveille. Avant de la rencontrer, je croyais tout savoir de l'amour. Je me pensais incapable de m'attacher, même à la plus belle femme du monde. Et puis, il y a eu Romy. Et là... Tu vois, mamie, que c'est un amour de petit français. C'est à vous que je dois tout ça, Magda. J'ai longtemps admiré l'actrice que vous étiez, mais je ne me doutais pas quelle mère charmante vous êtes. Moi aussi, je suis prête à vous trouver charmant. Mais prouvez-moi que ce que raconte la presse sur votre compte est un tissu de mensonges. Mamie, s'il te plaît. Tenez, c'est pour vous, Magda. Un cadeau ? Noël avant Noël. C'est pour vous remercier de votre accueil. Oh, du parfum ? Coco Chanel. Alain, tu ne m'avais rien dit ? Un peu de Paris en bouteille. C'est adorable, Alain. Délicieux. Paris et Romy seront toujours là, près de votre cœur. Charmeur. Je me sens bien dans votre famille. Alors, il va falloir en épouser les traditions. Les traditions ? Nous avons tout prévu avec Daddy. Au printemps, on organisera vos fiançailles. Nos fiançailles ? Ici. À Berchtesgaden ? Devant toute la presse. Il faut les rassurer. Rassurer le monde entier. Et me rassurer. Le 22 mars 1959, ont lieu les fiançailles dans la maison familiale. Cinémonde, Paris Match et Jour de France font de Romy et Delon les fiancés de l'Europe. Ils s'installent à Paris dans un hôtel particulier de 1000 mètres carrés, avenue de Messine. Alain Delon signe alors son acte de naissance de star avec Plein Soleil de René Clément aux côtés de Maurice René. Il enchaîne avec Rocco et ses frères sous la direction de Luchino Visconti. Plus rien ne peut l'arrêter. Mais tandis que la carrière de Delon décolle, celle de Romy marque un temps d'arrêt. Entre le débutant prometteur et l'actrice à succès, les rôles se sont inversés. Romy est devenue la compagne souriante d'une future star mondiale. Delon, qui ne jure plus que par Visconti, la persuade alors de rencontrer le maître. Le félin Delon a du flair. Il sait que Visconti saura voir en Romy autre chose qu'une princesse autrichienne échappée d'un royaume de stuc. Romy Schneider, Alain Delon, je crois que c'est la première fois que vous allez faire du théâtre. Oui. Vous n'avez jamais en Allemagne fait déjà de théâtre ? Non, jamais. Alors, comment abordez-vous cette épreuve pour vous ? J'ai très peur. Sans Monsieur Visconti, j'oserais pas. Mais quand j'ai même. J'ai très envie. Très envie ? Oui. Et vous, Alain Delon, alors que pensez-vous de votre rôle ? Je pense que c'est un rôle magnifique et je suis ravi de le faire, surtout sous la direction de Visconti. Je dois dire aussi, comme Romy, que si je ne l'avais pas, je n'aurais pas fait cette pièce, parce que je crois que chacun, d'ailleurs, dans cette pièce, prend de gros risques. Ah. Oui, Visconti, parce qu'il l'a remis, et moi, et nous, parce que nous sommes des débutants. Dans la grande salle du Théâtre de Paris, Romy est sur scène avec Delon, Visconti dans la salle au cinquième rang. Continue. Je n'en peux plus, Luchino. Tu es déjà fatiguée ? Je n'arrive pas à bouger dans cette robe. Toi, tu n'arrives pas à te déplacer avec une crinoline, après toutes celles que tu as portées au cinéma. Je me sens idiote. Je ne sais plus quoi faire de mes bras. Ils pendent le long du corps. Je t'ai mis en pantalon. Cette robe doit t'aider à trouver ton personnage, Romina. Je veux voir Annabella, pas Romy Schneider. Allez, Alain, ne bouge pas. Reste où tu es. Je sais le faire, mais là... Quoi, là ? J'ai l'impression d'être un bébé éléphant qui marche sur une scène de théâtre. Qu'est-ce que tu racontes ? Je t'avais prévenu, Luchino. C'était une folie, ce projet. Vous auriez dû faire cette pièce tous les deux avec Alain. Sans moi. Une fille sans expérience. Jouer une pièce anglaise, en français. C'est du suicide. Tu manques de courage, Romina ? Ce n'est pas une question de courage. L'exercice est trop compliqué. Et ta grand-mère, la grande Rosalbach, à 85 ans, elle continue de monter sur scène. Ce n'est pas compliqué pour elle ? Pense à ta grand-mère. Elle sera fière de toi. Le théâtre, tu as ça dans le sang. Allez ! Mais mon frère, pour le présent, que comptes-tu faire pour conjurer le péril qui nous guette ? Pense à quelques moyens d'assurer notre salut. Je suis sûre que nos invités sont déjà là. Je ne t'entends pas. Je suis sûre que nos invités sont déjà là. Articule, Robina! Ça ne passe pas la rampe. C'est une situation extrême. Il y a une tension anormale. Ça doit révéler votre vérité humaine. Il y a un amour incestueux entre ce frère et cette sœur. Ça doit être dur, agressif. Je veux entendre ça dans ton articulation. Je ne vais pas tenir, Lucchino. Joue ! D'habitude, les vrais mouvements viennent tout seuls. Je sais faire ça, je maîtrise. Mais là, ça m'échappe. On peut attendre demain pour reprendre cette scène, si vous voulez. C'est moi qui décide. Moi qui dicte. On ne peut pas faire juste une pause. Je ne connais pas assez bien la scène. Tu feras ce que je te dis et rien d'autre. Si tu ne fais pas immédiatement cette scène avec Alain, tu ne la referas plus jamais. Tu pourras rentrer chez toi. Il y a une actrice qui connaît ton rôle par cœur. Elle est prête à te remplacer. Je n'ai qu'un coup de fil à donner. Elle est là demain. Mais, Lucchino... Va-t'en. Vattene. Basta. Vattene et non tornare mai più. Addio, signorina. Allez, Romy, vas-y, on enchaîne, vas-y. Mais mon frère, pour le présent... Que comptes-tu faire pour conjurer les périls qui nous guettent? Pense à quelques moyens d'assurer notre salut. Je suis sûre que les invités sont déjà là. Regarde-moi. Regarde! Regarde-moi. Que vois-tu sur mon visage? L'égarement et une conscience troublée. La mort et une fureur révoltée! Dommage qu'elle soit une putain de John Ford est l'événement théâtral de la saison. Pourtant, les critiques sont désastreuses. Elles démolissent Visconti et s'acharnent sur Delon. Mais Romy y regagne sa place de vedette. Les journalistes lui trouvent une force d'expression, une impudeur déchaînée, une grâce. La pièce se joue au Théâtre de Paris durant 120 représentations. Visconti offre alors à Romy le rôle d'une femme fatale dans son prochain film, Boccace 70. Elle pense avoir réussi à faire oublier Sissi et à passer à autre chose. En 1962, les fiancés de l'Europe sont au sommet. Romy va tourner Le Procès avec Orson Welles, Delon Le Guépard avec Visconti. Mais pour la presse, c'est Alain Delon qui s'envole vers les sommets, effaçant Romy de sa présence écrasante. La première chose que nos téléspectateurs remarquent en même temps que moi, c'est que vous laissez pousser la barbe. Ça n'est pas pour plaire à Romy Schneider, ça n'est pas pour faire un genre non plus, c'est pour les besoins d'un film, pour les besoins de mon prochain film que je commence dans 8 jours, qui s'appelle Le Guépard, que je vais tourner en Sicile, qui sera dirigé par Lucchino Visconti avec Bert Lancaster et Claudia Cardinal. Romy va partir de son côté faire les films qu'elle a à faire avec Orson Welles et l'autre avec Forman et moi de mon côté en Sicile. Eh bien, merci d'avoir répondu si gentiment à ces questions indiscrètes. Au revoir Sissi, au revoir Alain Delon. Merci. Ah Sissi. Romy peine encore à faire oublier Sissi. C'est le drame de sa vie. Pour Delon, c'est la consécration. Le Guépard obtient la Palme d'Or à Cannes. L'ascension fulgurante d'Alain Delon l'éloigne peu à peu de Romy Schneider. Ils se croisent entre deux avions, se laissent des messages et parfois se retrouvent pour quelques jours, à Rome, chez Annie Girardot, histoire de faire mentir les ragots et l'absence. Coucou Julia. Coucou. Julia. Coucou. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Oh, c'est un amour, elle a tout le temps le sourire, c'est un vrai bonheur. Tu es heureuse, ma petite chérie. Romy, tu penses qu'elle comprend ce que tu lui dis? Bien sûr qu'elle comprend. Elle a 6 mois. Bah, essaie, tu verras qu'elle comprend tout. Bah, avec moi, évidemment. Alain Delon sait parler aux femmes. Le son de ma voix suffit. Oui, Alain Delon sait parler aux femmes, on avait remarqué. À quoi tu penses, Romy? Tu sais parler aux femmes, c'est tout. Sans même prononcer un mot, rien qu'avec les yeux. Vous n'allez pas recommencer. À qui je ne parle qu'avec les yeux? Claudia Cardinale. C'est normal pour un acteur, non? C'est René Clément qui m'a appris à tout jouer dans le regard. Je suis un bon élève. Oui, j'avais oublié Nico sur plein soleil. Tu savais lui parler à elle aussi. Parce que toi, tu ne flirtes jamais. Doucement tous les deux. Vous allez finir par gâcher la bonne humeur de Julia. Oh, ma chérie. Tu le trouves stupide à se disputer tout le temps. Tu ne te disputes jamais avec Renato? Non, Renato, c'est normal, c'est sa nature, on lui pardonne, il est italien. Et regardez cet amour. Ok. Ça vous dirait pas un enfant? C'est sûr, moi oui. Mais Alain? Alain, une petite poupée adorable comme Julia. Ou alors un garçon qui te ressemble. Beau comme un dieu. Oui, moi aussi. Un enfant. Mais plus tard. Pourquoi plus tard ? Elle a raison, les enfants, il faut les faire jeunes. Romy n'a pas une seconde à elle. Un enfant demande du temps. Parce que tu crois que je travaille pas ? Les films se font pas tout seuls. Et Renato, il tourne aussi, tu sais. Je suis prête à trouver le temps pour un enfant. Si on ne s'engueule pas pendant un mois, je t'épouse, promis. Et on fait un enfant. C'est toi qui décides ? Je sais ce qui est bon pour nous. Tu m'emmerdes, monsieur Delon. Je ne supporte pas qu'on me dicte ma conduite, qu'on me dise ce que j'ai à faire. Tu le sais très bien. Je n'ai pas quitté ma mère pour retrouver un autre dictateur. Si je ne veux pas tourner de film pour faire un enfant, j'ai le droit, non ? Les Orson Welles et les Visconti attendront. Calme-toi, ma chérie. Tu fais peur à la petite. Annie a raison. Arrête de faire ta chleu. Ferme-la, Alain. Si tu veux que je fasse mes valises, tu continues comme ça. Mais tu fais défaire tes valises tous les jours. Je rentre à Paris. Viens, mon amour. On va laisser passer l'orage. Allez, arrête, ma poupelle. Un enfant, pourquoi pas ? Mais pas tout de suite. On ne peut pas tout faire. Gabin m'attend avec Verneuil. On ne fait pas attendre le patron. Chaque fois qu'on se retrouve, je pense déjà au moment où il faudra se séparer. Le bonheur me fuit entre les doigts. Comme de l'eau. En 1963, Romy signe un contrat avec la Columbia. Elle part pour Hollywood tourner avec Preminger. Delon lui rend visite à Beverly Hills. Mais le cœur n'y est plus. À peine arrivé, il s'envole déjà pour ailleurs. Le couple bat de l'aile. On parle d'une liaison entre Delon et une certaine Nathalie Barthélémy. Leurs photos s'étalent dans la presse. En novembre, Georges Baume, l'agent de Romy et Delon depuis toujours, rejoint Romy aux États-Unis. Oui, oui, alors d'accord. Si René te veut pour le rôle de chef de masse, c'est formidable, je comprends. Mais ça ne t'empêche pas de tourner avec Nelson. Ah oui, bien sûr, le scénario est très bien. Je te l'envoie sur la côte. À Paris, si tu veux. Je suis bien arrivé, oui. Je m'en occupe. Ne t'inquiète pas. Allez, bonne nuit. C'était Alain ? Tu nous écoutais ? Réponds-moi, Georges. C'était lui ? Oui. Pourquoi tu ne me l'as pas passé ? Il n'a pas demandé à me parler ? C'est l'heure, allons-y. On va être en retard au studio. Pourquoi Alain ne voulait pas me parler ? Réponds. Bon. Il faut que tu rassembles tes forces, Romy. Alain a glissé une lettre dans mes bagages avant mon départ. C'est ce qu'il m'a annoncé au téléphone. C'est pour qui, cette lettre ? C'est pour toi. Tu l'as lue ? Pour qui tu me prends ? Je ne savais même pas qu'elle était dans mes affaires. Tu sais ce qu'il y a dans cette lettre ? J'ai une idée, oui. Je suppose que... C'est une lettre de rupture ? Oui. Tiens. Tu liras ça plus tard. Tu as une journée difficile aujourd'hui. Si tu veux être en état... J'avais imaginé que ça pouvait se terminer un jour. Mais je ne pensais pas que ce serait de façon aussi brutale. Tu n'y es pour rien. C'est la fille au chapeau. Celle qui l'accompagne partout. Nathalie. La presse n'invente pas que des ragots, alors. Ils vont vraiment se marier ? Je ne sais pas. Alain avait l'air si normal la dernière fois. Il était comme d'habitude. Il n'y est pour rien, et toi non plus. Cette fin était inévitable entre vous. Tu as peut-être raison. On ne peut pas faire tomber en se secouant toutes les influences de notre enfance. Alain déteste le milieu touche-fien. Il a voulu effacer chez moi 20 ans de culture familiale. Il a raté son coup. Il y aura toujours deux Romy en moi. Je crois qu'il y aura toujours trois ou quatre Alain en lui. Alain est un jeune chien. Il restera un jeune chien, toujours à chercher. Ne lui en veux pas. Il ne faut pas regretter. Je ne regrette rien. Romy est dévastée. Elle qui, quelques mois plus tôt, devant la presse, essayait de croire encore à ce bonheur furtif avec Delon, à ce havre de paix qu'elle espérait depuis toujours, comme un refuge face au métier. Pour moi, la chose la plus difficile, de vraiment réussir, en plus de gens jeunes comme nous deux, de faire une vie ensemble, une vie, une vraie vie, à côté de ce métier. Et c'était pas avant. J'étais bien prête à me livrer corps et âme, comme on dit chez nous, à ce métier. Mais ça me fait bien peur un moment. Parce que si... C'est bien un moment où ça peut s'arrêter, surtout pour une femme. Un jour, on est plus jeune, on est plus jolie. Et puis si ça s'arrête, on n'a plus rien. Si on n'a pas quelqu'un, ou une vie, ou un coin où on peut aller, ou un enfant. Non, non. Pour moi, c'est... J'ai quelque chose au-dessus de ce métier et je m'accroche bien. Et ça, je vais me garder. Le 18 décembre 1963, Romy rentre à Paris. Elle demande à son chauffeur de brûler toutes les photos où figure Alain Delon. Romy Schneider veut tirer un trait sur ce passé. Elle fait alors la connaissance de Harry Mayen, un metteur en scène allemand de 14 ans son aîné. C'est le commencement d'une nouvelle vie à Berlin. Romy épouse Harry et lui donne un enfant, David. C'est aussi pour elle le début d'une nouvelle traversée du désert. Romy délaisse sa carrière d'actrice pour devenir une épouse modèle, une femme au foyer, ce rôle qu'elle espérait tant. Jusqu'à ce jour de 1968, où Delon va la voir pour lui proposer d'être sa partenaire dans un film. Non, vraiment, c'est très gentil d'avoir pensé à moi, mais je ne veux pas revenir en France pour tourner avec toi, Alain. N'insiste pas. Tu m'en veux encore ? Si tous les acteurs qui ont vécu en couple ne tournaient plus ensemble, il n'y aurait bientôt plus de films. Il y a 5 ans, j'étais malheureuse à en mourir, j'avais perdu un amant. Mais aujourd'hui, tout va bien. Je sais que j'ai gagné un ami. Tu restes la femme idéale, même pour l'ami. Tu le sais, Romy. Alors, on ne s'est pas quitté parce qu'on ne s'aimait plus ? Parce qu'on s'aimait trop. De toute façon, je n'ai plus la cote. Pourquoi tu me veux dans ce film ? Ce couple, c'est nous. Si tu ne fais pas ce film, je ne le ferai pas non plus. C'est avec toi ou rien du tout. Je t'ai apporté le script. La piscine. C'est un polar intimiste. Il y aurait toi, moi, Maurice René, et une petite jeune, une anglaise. Jacques Doré, derrière la caméra. La piscine, c'est ton grand retour, Romy. Maintenant, tu es une femme. Tu n'es plus Sissi. Tu n'es plus la jeune fille avec les joues bien rondes. Le public a laissé partir une jeune fille. Et il va découvrir une femme. Je ne veux plus mener une vie de cirque. Je suis bien à Berlin. Je ne manque de rien. J'ai tout, un mari, un enfant et un métier. Avec Harry, je me sens enfin en sécurité. Un couple de petits bourgeois bien installés. Je ne te crois pas, Romy. Tu n'es pas heureuse ici, avec lui. Je le vois dans tes yeux. Tu ne peux pas me cacher ça, pas à moi. Je suis une mauvaise actrice dans la vie. Harry, il te rabaisse devant tout le monde, n'est-ce pas ? Ça lui arrive. Il est jaloux. Tu es devenue sa prisonnière. Je te connais. Tu veux bien tout d'un homme, mais pas sa tyrannie. Si tu acceptes ce film avec moi, je convoque la presse et je viens te chercher à l'aéroport, comme il y a 10 ans. 1958, Romy. 10 ans, jour pour jour. On a toujours su les émouvoir tous les deux. Tu ne crois pas ? Oui. Romy Schneider, c'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons sur la Côte d'Azur. Romy Schneider, vous venez tourner un film à Saint-Tropez. C'est retrouvailles avec Alain Delon. Un petit peu d'émotion dans la voix, peut-être ? Oui, oui, oui. Vous êtes heureuse de retrouver Alain Delon ? Très. Très. Alain Delon, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous étiez ému, vous aussi, oui. En rencontrant... C'est normal, vous ne trouvez pas ? Oui, bien sûr. Vous êtes vous-même ému en tenant ce micro. Peut-être. C'était Romy Schneider, La Passion de Long, de Renaud Meyer, avec Aurélie Julia, Romy Schneider, Irma Barry-Schmidt,

Avec sa fille, il n'osera pas. Oh, tiens donc. Attention, je suis sûre que Penelope nous regarde par une fenêtre. Une grande fille. Si. Non. Si. Oh. Moi tu vas voir ça. Ah. Tu vas te tremper, moi. Tu vas voir ça. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Romy Schneider, La Passion de Long. Notre invitée Isabelle Giordano, auteure du livre intitulé Romy Schneider, film par film, aux éditions Gallimard. Bonjour Isabelle Giordano. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous avez travaillé dans plusieurs médias, radio, télé, journaux, France Inter notamment. France Inter, ben ouais. Oui, et surtout. Et vous avez surtout fait partager votre amour du cinéma pendant plus de 10 ans sur Canal+, avec le journal du cinéma. En 2013, vous devenez directrice générale d'Unifrance Film. Vous faites la promotion du cinéma français sur la scène internationale. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres, dont celui que j'ai cité tout à l'heure en début d'émission, Romy Schneider, film par film, édité chez Gallimard en octobre dernier. On peut dire, Isabelle Giordano, que vous êtes passionnée par Romy Schneider. Oui, j'aime beaucoup Romy Schneider, je suis passionnée par le cinéma et par toutes les icônes. C'est vrai que moi, je me dis toujours que quand quelqu'un devient, au-delà de la célébrité, quelqu'un qui marque les esprits, qui marque les inconsciences et qui a une raison, et c'est une raison qui est impalpable, indicible, et c'est ça qui est passionnant. Et c'est pour ça que j'aime ausculter les tenants et les aboutissants, les pourquoi de ces stars qui nous marque à jamais. Alors, ces stars, et parmi ces stars, il y a donc Romy Schneider, celle qui nous intéresse aujourd'hui. Ça veut dire que je peux pas vous demander, ou vous auriez du mal à répondre à la question « Pourquoi aimez-vous Romy Schneider ?» précisément. Ben, je pourrais répondre, mais ça durerait longtemps. Mais bon. Je vais être sympathique avec vous, je vais essayer de résumer. Je pense que je vais reprendre la citation de Claude Sautet. Elle est la synthèse de toutes les femmes. C'est ce qu'il disait pour la définir. Et c'est vrai qu'elle est toutes les femmes. Elle est à la fois réservée et exaltée. Elle est à la fois passionnée et raisonnable. C'est vrai que sa vie a été incroyable. Je pense qu'elle est aussi comme un calque sur toutes les femmes, les plus ordinaires et les plus excentriques. Et elle nous raconte aussi toute une époque. Elle nous raconte les années 50, les années 60, les années 70, les années 80, c'est beaucoup pour une seule femme. Voilà, elle est capable de nous raconter tout ça, toute une époque. Dans votre livre, vous citez une phrase de Romy Schneider sur sa relation avec Alain Delon, puisque c'est aussi le cœur de notre récit. Il a eu une importance décisive pour la vie entière, il a fait prendre à ma vie une nouvelle direction. Qu'est-ce qu'elle veut dire, Romy Schneider, avec une déclaration aussi forte que celle-là? Je crois que c'est une manière quand même de résumer l'essentiel de leur relation, c'est que c'est un premier amour très fort, très intense, comme tous les premiers amours. Voilà, comme toutes les premières fois, on ne l'oublie jamais. Mais c'est vrai que quand ils vont se rencontrer à la fin des années 50, un peu par hasard, hein, parce que c'est vrai qu'elle a choisi le casting, elle s'est arrêtée sur une photographie, elle a remarqué son visage. Et c'est vrai que c'est plutôt une affaire de producteur qui décide de mettre face à face Romy Schneider, qui est à ce moment-là tout, c'est Sissi, etc., face à un jeune premier qui n'est pas grand-chose à l'époque. Donc c'est une histoire de producteur, une espèce de mariage arrangé pour les besoins d'un film. Et c'est vrai qu'on connaît cette scène et cette photo surtout, hein, où Delon, un peu gauche, arrive avec son bouquet de fleurs parce qu'on lui a demandé, ils se sont un peu forcés, donc il lui offre le bouquet de fleurs. Et puis c'est vrai qu'ils vont passer quand même les premiers jours sur le tournage à se chamailler, parce que ce sont deux animaux. En fait, ils sont tous les deux de la même race, font partie de ceux qui marchent en permanence sur le fil du rasoir, et ils ont une espèce de passion animale, une espèce d'excessivité en eux, qui fait que certainement leur relation amoureuse va être absolument unique, intense, et elle va durer pratiquement pas toute la vie, mais quand elle va s'arrêter, elle va perdurer, elle va se transformer en une magnifique relation. Ça veut dire qu'à travers les deux personnages, que sont Romy Schneider et Alain Delon, cet amour avait vocation à être celui-là, tumultueux, long, avec une énorme dimension populaire en plus. Hein. Oui, puis moi je le rapproche beaucoup de, même si on n'est jamais dans l'intimité des couples, mais pour moi ça fait partie de ces couples mythiques, mais qui ont cette dimension animale. Vous vous rappelez de Richard Burton et Elizabeth Taylor? Pour moi, c'est de la même nature. Et je pense aussi que, comme Romy et tout, et le jeune Delon est au début de sa carrière, je pense que ça compte, parce qu'elle va apprendre à ses côtés à s'encanailler. Elle qui était quand même une petite donzelle sortie de sa Bavière, qui avait quand même rien vu d'autre. Vous savez, elle a passé beaucoup, beaucoup d'années dans un pensionnat, elle voyait très peu ses parents. Donc finalement, elle connaît pas grand-chose de la vie. Elle connaît depuis l'âge de 16 ans les plateaux de cinéma et Sissi. Et elle ressemble beaucoup à Sissi, c'est-à-dire qu'elle est corsetée à l'intérieur d'elle-même. Et donc, lui, ça va être vraiment l'allumette, quoi. Il va allumer ce caractère qu'a Romy Schneider enflammé. Et vous savez, après, leur relation va évoluer. À un moment donné, elle sera moins dans l'œil des producteurs. Elle va, même sa carrière va décliner, elle va déprimer. Elle pense même qu'elle n'aura plus jamais de rôle. Et c'est lui qui devient tout et qui va la sauver et la ramener sur le chemin de la célébrité grâce à la piscine. Alors, Alain Delon, c'est un peu Sissi sort de ce corps. Oui. Hein, voilà. Et puis, c'est bien résumé. Il y a la piscine. Alors, ce film est devenu culte. Pourquoi est-il culte? Est-ce qu'il est culte par sa beauté esthétique, par le propos, par les acteurs? Ou par le fait qu'il y ait justement ces deux-là au milieu du film? Je pense que c'est l'alliage de tout cela. Et effectivement, il y a aussi un très bon scénariste. Tout est excellent, la musique, enfin voilà, tout. On a l'impression que les fées se sont penchées sur le berceau de ce film. L'histoire est extraordinaire et c'est vrai que pour le grand public, ça marque les retrouvailles d'un couple mythique. Ils ne sont plus ensemble, mais effectivement, on a l'impression que tous ces gestes, ces embrassades au bord de la piscine, ce sont des vrais gestes, ce sont des gestes d'amoureux. Même s'ils ne forment plus un couple, mais on a l'impression de revivre en fait une histoire torride. Et je pense qu'eux jouent aussi un peu au chat et à la souris. Ils s'amusent de cette caméra qui les regarde de manière... C'est l'œil du voyeur qui regarde ces gestes qui... Vous connaissez le film, c'est très sensuel. Bien sûr. Et elle s'est refait une santé, entre guillemets, puisque... Elle a eu un enfant, etc. Mais elle sait, en abordant ce film, elle sait qu'elle doit reconquérir le public. Et elle se dit, je vais me forger un corps. Et elle se donne quelques mois pour faire du sport, etc. Changer de corps littéralement, bronzer. Et quand elle arrive dans la première scène, il paraît que tous les techniciens avaient la bouche bée, tout le monde était estomaqué. Et les gens ont vu surgir quelqu'un qui était voilà, avec des muscles athlétiques et qui avait une espèce de sensualité, de sexualité. On découvre la sexualité de Romy Schneider, et elle a mis une croix sur Sissi, c'est sûr. Alors, petit hommage au passage à quelqu'un qui a beaucoup de mérite, c'est Maurice Ronet, de se retrouver entre les deux. Oui, qui tient bien son rôle. Qui était à l'époque très très connu, qui était une grande star, et puis qui lui aussi dégage quelque chose de très sensuel. Et puis il y a l'apparition de la jeune Jane Birkin dans un de ses premiers rôles. C'est vrai. Et puis il y a Serge Gainsbourg qui tourne et qui vient le week-end parce qu'il a peur qu'on lui pique sa fiancée. Il trouve que ça fait beaucoup d'hommes autour de Jane Birkin, donc c'est très drôle l'ambiance qui se retrouve là autour de cette piscine avec cette chaleur à crever, et on le sait là encore, on a l'impression d'être dans un roman de Moravia vraiment, hein, parce que tout le monde est là, tout le monde a chaud, et on sait bien que cette chaleur, le fait d'être un peu dénudé, tout ça peut exalter toutes sortes de passions. Enfin, c'est le film dans le film, hein, dans les coulisses de ce tournage, il y a de tout. Il est patrimonial ce film quasiment, parce qu'on a des grands acteurs, on a de grandes, immenses stars de la musique française, on a Jane Birkin, c'est un film patrimonial quasiment, La Piscine. C'est un film qui est resté culte, pas seulement par ses acteurs, mais je pense aussi que c'est une grande réussite. Il y a un moment donné, il faut aussi reconnaître que voilà, c'est le réalisateur, c'est un vrai chef-d'œuvre ce film, et c'est vrai qu'on peut le revoir encore aujourd'hui sans se lasser. Isabelle Giordano, on ne se lasse pas de parler d'Alain Delon et de Romy Schneider, donc on va continuer après avoir fait une petite pause de 3 minutes. A tout de suite. Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre, le soleil. Tu ne m'aimes plus. Là-haut, un oiseau passe comme une dédicace dans le ciel. Je t'aimais tant, Hélène. Partiront sans nous. Je ne sais plus t'aimer, Hélène. Je falloir changer de mémoire. Je ne t'écrirai plus, Hélène. L'histoire n'est plus à suivre et j'ai fermé le livre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. Isabelle Giordano, la vie de Romy Schneider n'a pas été facile, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a vécu ce qu'on appelle vraiment des drames, et notamment la mort de son fils. Dans la lettre que Alain Delon a écrite à sa mort, et dont j'ai lu des passages au début de l'émission, il parle d'un mythe, bien sûr, on l'a entendu, et aussi de sa fragilité. Était-elle si angoissée, si blessée, ou constamment angoissée, constamment blessée? La vie de Romy Schneider, c'est une succession de rire et de douleur. C'est quelqu'un, quand on la voit, qui est solaire. On le voit sur toutes ses photos, qui aimait rire, qui aimait la vie, qui aimait boire, qui aimait manger. C'était une mère aussi. Elle adorait être maternelle avec ses enfants. Mais c'était aussi quelqu'un qui a dû faire face à des démons intérieurs. Je pense depuis l'enfance ou depuis l'adolescence, qui a eu une enfance vraiment assez compliqué, avec cette mère très autoritaire, Magda Schneider, qui a frayé en plus un peu avec les nazis, avec Goebbels. Tout ça plane quand même autour de l'enfance et de l'adolescence de Romy Schneider. Ça a été une ado un peu isolée, qu'on a quasiment abandonnée dans un orphelinat, qui a eu un beau-père, qui a été un peu lui aussi très autoritaire. Dès qu'elle a fait Sissi, tout le monde s'est précipité dans sa famille en se disant « c'est la poule aux œufs d'or, il faut qu'elle fasse des tas de Sissi, on va gagner de l'argent sur son dos ». Donc voilà, sa vie a été compliquée, je ne peux pas vous énumérer le nombre d'obstacles qu'elle a dû franchir. Et c'est vrai que d'être jetée à corps perdu comme ça à l'âge de 16-17 ans dans le monde du cinéma, venir ensuite en France, un pays dont elle ne parlait pas la langue, travailler, ensuite elle va en Italie, là aussi elle ne connaît pas la langue, elle fait un paquet de films. Pour moi c'est l'européenne, hein, c'est vraiment une figure de l'Europe avant l'heure, puisqu'elle est vraiment capable d'aller de pays en pays. Elle a eu sa période hollywoodienne aussi, où elle reste 2-3 ans, où elle s'ennuie à mourir, mais où elle fait quand même quelques films avec Jack Lemmon, etc., Otto Preminger, enfin elle a vraiment eu un parcours à la fois riche, intense, mais où il y a eu quand même un certain nombre d'embûches. Donc je pense que effectivement tout ça se terminera mal, on le sait, dans le comble de la douleur. Mais Alain Delon est resté pour Romy Schneider l'ami, le fidèle. Bon, ça n'a pas toujours été rose, hein, leur histoire, puisque je crois que la séparation s'est faite par lettre. Hein. Lui, il s'est contenté d'un petit mot griffonné, il l'a mis... Heureusement qu'il n'y avait pas les textos à l'époque, voilà. Il aurait pu la larguer par texto. Ça aurait pu être ça. Et elle est à l'autre bout du monde et elle apprend par un petit mot que leur relation n'est plus. Et ça n'a pas été simple. Donc c'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas. Alors, le livre que vous avez écrit, un très beau livre avec de très très belles photos et des textes, évidemment, est ouvert, je ne sais pas si c'est un hasard, est ouvert sur les choses de la vie. C'est sans doute parce que c'est une des plus belles photos, à mon sens, voilà, du livre, où on voit Michel Piccoli se pencher sur le cou de Romy Schneider qui est en train de taper à la machine. Et je renvoie chacun et ceux qui nous écoutent à un très beau texte qui fait une quarantaine de lignes qui s'appelle « 9 secondes de presque rien » qu'a écrit une cinéphile sur un blog, qui est un texte magnifique, où elle raconte qu'en 9 secondes, le réalisateur Claude Sautet arrive à raconter ce que peut être une magnifique histoire d'amour avec quelques gestes du quotidien. C'est-à-dire que, et c'est ça, Romy Schneider. C'est aussi la marque de Sautet. Hein, c'est la marque de Sautet, c'est la marque de Romy Schneider, avec des gestes du quotidien. Vous voyez, elle se remet une mèche, elle remet ses lunettes, elle est capable d'enfiler un imperméable, et ce sont des gestes simples qu'on peut chacun accomplir et tout d'un coup, elle les tire vers le sublime. Et c'est vraiment, il faut un talent fou pour pouvoir faire ça. Et là, je vois la photo magnifique aussi, comme dans un tableau impressionniste. Hélène et Pierre, donc ce sont Piccoli et Romy Schneider. Au temps des jours heureux, une balade à vélo se transforme en amour incandescent. L'éloge de la vie est filmé dans les moments simples. Ça renvoie exactement ce que vous veniez de dire. Alors cette photo, là, tous les deux, sur Piccoli et Schneider, sur un vélo, c'est juste... Comme c'est vous une dites, simplicité magnifique. C'est la simplicité des grands tableaux, voilà, c'est l'Angélus de Millet, etc. C'est vraiment... Mais il faut être un grand artiste pour pouvoir faire ça. Et c'est vrai qu'il y avait Sautet, et Schneider qui étaient capables de rendre ces petits gestes du quotidien absolument sublimes au niveau de ce qu'est la grandeur d'une histoire d'amour quand elle est passionnelle, comme celle de Delon, bien sûr. Alors, si La Piscine était pour Romy Schneider, on peut considérer comme un film de la résurrection. Les choses à la vie de Claude Sautet, c'est un moment très important, j'imagine, aussi pour la carrière de Romy Schneider. Oui, parce qu'elle dit souvent que Claude Sautet, c'est son frère, et lui-même, il dit que voilà, il se retrouve en elle. C'est une histoire de frères jumeaux, en fait. Ils se retrouvent tous les deux avec une grande complicité. C'est drôle, d'ailleurs, parce que lui, il était plutôt taiseux, et elle est plutôt volubile et bavarde. Mais je pense que c'est une histoire de fêlure qui se rencontre, un peu comme avec Delon aussi. Hein. C'est un peu ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Sautet qui va vraiment réussir à faire de Romy Schneider celle qu'elle est devenue, parce que c'est vrai que ces 5 films avec Sautet sont restés parmi les plus célèbres, les plus légendaires. Mais je pense qu'elle aussi, elle va aider Claude Sautet à devenir cet auteur. Parce que chacun nourrit l'autre. Voilà. Sautet, c'était un communiste militant qui faisait des polars et qui était destiné à faire que des polars. Et c'est parce qu'il n'arrivait pas à faire ses polars qu'il se met à faire des histoires d'amour. Donc ça, c'est très drôle aussi de voir comment chacun s'aide à avancer dans la vie. Romy Schneider, donc figure mythique, visage d'icône, certes, mais alors là je vous pose une question peut-être un peu plus gênante, je ne sais pas, est-ce que c'était une grande actrice? Ah oui, mais comment? C'est pas une question gênante, non. Bah parce que derrière le mythe, quelquefois, il y a des mauvaises actrices. Ouais. Oui, il y a des icônes, je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très célèbres, qui sont des stars, et qui sont pas extraordinaires. Qui sont pas extraordinaires, mais elle est capable de tout jouer, donc à la fois la passionnaria, la syndicaliste, vous pouvez la voir à la fois dans les habits d'Elisabeth d'Autriche avec vous voyez, toutes les fastes qu'a su y mettre Visconti, et elle peut être aussi une femme très simple qui est juste une ouvrière ou une femme qui se pose des questions sur ses relations amoureuses avec son mari. Elle est capable de tout jouer. Dans Le Monde, daté du 17 juin 1982, Brigitte Bardot déclarait « Le cinéma l'a tué ». Ajoutant, le cinéma c'est terrible et j'en sais quelque chose. Alors il y a peut-être d'autres explications à la mort de Romy Schneider, mais peut-on dire que le cinéma aurait contribué à cette fin tragique? Est-il si terrible que ça? Alors là, moi non, je me livre jamais à ce genre d'analyse. Déjà de savoir, là encore, on peut pas pénétrer dans l'intimité de ce qui s'est passé. Suicide, jamais. Voilà, et on peut pas savoir. Et puis on sait que le cinéma a abîmé beaucoup de stars, de James Dean à Monty Cliff, en passant par Marilyn Monroe, bien sûr. Mais au départ, ce sont peut-être des personnalités un peu qui attrapent les émotions plus que d'autres, peut-être hypersensibles, peut-être hyper fragiles. Mais je crois aussi que pour rester sur Romy Schneider, c'était quelqu'un qui vivait tout à 400%. Je pense à Bertrand Tavernier qui raconte qu'à un moment donné, elle doit jouer une scène, elle doit taper sur une table, elle finit par se faire saigner la main tellement elle tape sur la table. Voilà, ça résume bien cette femme absolument faite de passion et d'exigence sur elle-même. C'est ce qui fait qu'effectivement, à force d'aller jusqu'au bout d'un personnage, ça a pu certainement la faire souffrir et en tout cas l'écorcher vif. Parce que on voit de film en film, d'après ce que racontent les témoins, on voit à quel point elle se donne de plus en plus dans chaque rôle. Et je pense au Vieux Fusil, notamment, ouais. qui est un rôle qui demande, alors pour le coup, un investissement incroyable. Elle le vit dans sa chair. Ouais. Et parce qu'on ne peut pas jouer ce rôle autrement qu'en le faisant comme ça. Et là, je vois les photos, c'est vraiment très, très impressionnant. Et on peut imaginer évidemment que ce genre de scène, ça peut vous secouer Trouve vraiment passionnant dans l'histoire de Romy Schneider. C'est ce que je disais, je pense qu'elle est aussi le reflet d'une époque. Vous savez que Romy Schneider était obsédée. Elle avait une culpabilité d'allemande et aussi une culpabilité par rapport à sa mère. Elle a choisi de porter une étoile de David, elle a choisi de donner des prénoms hébraïques à ses enfants, David et Sarah. Elle était obsédée par l'idée de réparer par son jeu d'actrice. Elle a voulu faire un tournage en Israël, retourner sur cette terre, etc., qui l'obsédait. Et je pense que quand elle fait tous ces films, dont Le Vieux Fusil, Le Train, etc., à chaque fois, cette dimension-là qui ressort aussi. Voilà, d'accord. Ça ressort. Et je pense que le public le vit aussi de cette manière-là. Vous voyez, c'est qu'on vit quand même dans les années 50, 60, où tout n'est pas réglé. On oublie, on cache sous un mouchoir des crimes de guerre, etc. L'antisémitisme est rampant encore dans ces années-là. Donc, c'est tout ça qu'il faut lire sur le visage de Romy Schneider. Et quand elle pousse ce cri terrible, et les techniciens s'en rappellent encore de la douleur de ce cri dans la scène du Vieux Fusil, quand elle se fait violer par un soldat nazi. Effectivement, je pense que ça parle à un inconscient collectif. C'est au-delà du jeu d'actrice. Bien. Dans la vie, comme au cinéma, j'applique la devise « tout ou rien, la témérité est quelque chose qui m'a toujours aidé à avancer ». Tels sont les mots de Romy Schneider. Elle est une Antigone, ajoutez-vous, des temps modernes qui, comme l'héroïne grecque, affirme haut et fort « je veux tout ». Et ce sera le mot de la fin. Parce que tout est dit avec ça. Tout est dit, Antigone, oui. Merci Isabelle Giordano. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Romy Schneider, La passion de Long. Une fiction écrite par Renaud Meyer, réalisée par Sophie Haute-Picon et Al Nioro. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Stéphane Beaujat et Nicolas Slimani.